Ok, je viens reprendre du métier, la mauvaise herbe, je l'ai triée, prépare les trier. Je suis dans mon thriller, dealer, uniquement sur papier. Musicalement, je viens de plier, tu peux toujours jacter, j'ai mes rimes antibactéries. Avec le rap, j'ai fait un pack, donc tu peux vaquer. Un petit peu d'absence, et alors, j'ai pas plongé mes sens dans l'absinthe, mais dehors, je rime pour un tas de trucs. Un code erroné, mais toujours pas de code but. Donc déconne pas, sale pute, je suis au fond du terrain et toujours le même but. Dans ces décors sales et macabres, l'ombre vient me nuire. L-O-U-S-T-I-K, une affaire à suivre, toujours à l'aise sur un freestyle. Un beat, un instru de taille, je la défouraille. Sur des rimes fines comme le cristal. Un conseil, faut que les poèmes s'y style. Un beat du son, les écrits d'une vie. Un beat du bon, nos cris et nos envies. Un beat du son, les écrits d'une vie. Un beat du bon, nos cris et nos envies. C'est le retour du griot. Au cas où t'aurais pas capté, je sais pas quoi dire aux enfants de la thèse. Le système d'oubaise, il est temps que ça cesse. Que dire, c'est pas la fête. Je referais pas le monde avec une taille de rhum et deux trois pètes. J'ai pas attendu, peu de main tendue. Trop de traîtres en visu, la galère, toujours le même menu. C'est pas ma faute si j'ai les mains dans la merde. Elles sont faites pour l'or, écoute pas si ça t'emmerde. Balance le beat, check-moi un stylo. J'suis mégaloman, j'rappe des rimes par kilo. Tu veux un feat, tu manques pas de culot. Quand je freestyle, c'est uniquement avec mes frérots. A chaque fois que j'agrippe un beat, j'élève le niveau. Le level, flow scalpel, qui scalpe. Je suis comme The Marvel, c'est du triple XL. J'excelle tout en CML, trop d'MC pêle-mêle. Un beat du son, les écrits d'une vie. Un beat du bon, nos cris et nos envies. Un beat du son, les écrits d'une vie. De toute façon j'emballe, voici le Saint Graal, le weed scandale, l'écrit astral. Alors je pars en freestyle, me limitant rien ma caille. Y'a que moi qui maille, le trip c'est faire du sale. Y'a du monde sur la nappe, mais le beat emballe. Obligé d'écrire tribal sur le beat banzal. J'te dis c'est la locale, fume ma Marie-Jeanne. Bruce pas, teste pas, c'est fatal. Faut des rimes qui plaquent, qui tranchent, qui schlassent. Si les MC slash, si jamais sans faire de tâches. Que nos échos effacent nos ghettos. Tout cela pour qu'écro, le roro par kilo. Pas de bling bling. Tout dans le feeling, loin des têtes d'affiches. Tu ne trouveras pas dans tes magazines. Un beat du son, les écrits d'une vie. Un beat du bon, nos cris et nos envies. Un beat du son, les écrits d'une vie.